Ceux qui ont mécru comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi ? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants.